Écoute-moi, l'amour, tu tu veux les hanter. Fous le camp, mauvais sort. Le temps n'est pas passé. Mais je ne suis pas vieux, je suis presque un enfant. Et si je boite un peu, c'est pour tromper les gens. Un ordre, pas un.